pour sa campagne. Déraciné de sa culture, une ville abandonnée, plus de racines et d'âme, un parfum âcre de voiture, le coup d'armure collé. Une greffe de fer, une éprouvette comme mer, des beaux yeux étoilés. Apprendre à respirer, réapprendre à manger, s'habiller pour rêver. Et si l'on communique, et si l'on communique, par voie interactive, par voie interactive. Androïde, humain, androïde, humain. Fini les guerres de sang, fini les guerres de sang. Place à la guerre des nerfs, place à la guerre des nerfs. Moins animal mental, un rêve imaginé pour oublier. Et le temps d'une vie brève, brève. Le temps heureux ment sans aucun sentiment, en rythme nonchalant. Gouttelette vide de ville, goutte à goutte distille son venin d'avenir. Pensez à ses amours, pensez à ses amours, une pensée pour son corps, une pensée pour son corps, sans penser à demain, sans penser à demain, à sa guise pendant que, à sa guise pendant que, l'homme en somme ne fait que, l'homme en somme ne fait que, c'est bien que et pour que, c'est bien que, apprendre à respirer, réapprendre à manger, s'habiller pour rêver. Un rêve imaginé pour oublier le temps d'une vie brève, brève. Gouttelette vide de ville, goutte à goutte distille son venin d'avenir.